Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h si vous avez raté la fin. Cette semaine, Être pauvre, une série de Rémi Libowski-Douat réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a le plan pauvreté du gouvernement, retardé et finalement annoncé. Il y a aussi ce fossé qui se creuse entre ceux qui vivent bien et les autres qui se débattent. Il y a la misère de plein fouet et à la vue de tous dans la ville, ces familles qui dorment sous des porches ou ces silhouettes étendues devant des bouches d'aération. Et celle plus invisible de ceux qui n'ont pas droit au moindre imprévu et qui vivent dans l'angoisse du grain de sable qui les mettra au tapis. Et surtout, il y a l'air de pipeau de la méritocratie. Alors pour commencer, les personnages. Des retraités bénévoles, une dame et ses poules, un apprenti boucher, un chômeur trop qualifié, un ancien banquier face à la réalité, une femme seule qui a fait comme elle a pu, une femme volée par son mari, des copines, une femme de ménage pas dupe, une jeune femme au corps brisé et un bébé qui ne sait pas encore tout. Ensuite, le décor. Des routes étroites, du pain et de la sauce tomate, des expropriations, des suicides, des lignes fermées, des régions désertées, chaque centime compté, des potagers ou pas, des champs d'oiseaux, le fameux accident de la vie, un film et sa sale réplique, l'engrenage, du stress tout le temps, des tatouages, un livre coup de poing, une société qui achève ses citoyens, des tâches qui rendent malade, l'envie de voir la mer, de la chair à usine, le ramassage des pommes et une partie de pétanque. Aujourd'hui, deuxième épisode, on charge le bus. Ils nous ont préparé une palette de produits, je dirais, secs, qu'il va falloir défilmer et puis charger petit à petit. J'attends les produits frais, les fromages, éventuellement de la viande. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, thon entier au naturel, bon, ça va. Le lait, très important, toujours 2 litres de lait par personne. Nous sommes en Haute-Vienne, à la limite du Massif central et du bassin aquitain. Préfecture, Limoges. Le fleuron industriel, c'est le grand, les ampoules. Il y a aussi le travail du bois, l'industrie du papier, l'imprimerie. Alors, je vais vous bousculer parce qu'il faut que je... Pardon. Mais ici, le chômage de longue durée est particulièrement présent. 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et les plus jeunes sont particulièrement concernés. Bon allez Hélène, on y va, c'est plein, hein ? Plus de 28% des moins de 30 ans sont pauvres. Plus d'un jeune sur 3. Je vais mettre mes lunettes de soleil ici, avec un peu de soleil. Et plus on s'éloigne de Limoges, et puis, je sais pas, plus la pauvreté est importante. On a le temps, on a le temps. Merci. J'y arrive pas. Ça y est, ça va aller. Allez. Voilà, ça y est, on est parti. Pauvres des champs, les oubliés. La face cachée de la ruralité. Rémi Libowski-Douat, Véronique Samuilov. Bon, là, Chalut et Anjou. Aix, la D2, la D2 ville, Aix. Et puis après, la route de Périgueux, Chalut. Voilà, allez. De toute façon, c'est ajouté. Le Solidaribus, c'est un petit camion. 3 places à l'avant, ici occupées par Didier et Hélène, tous deux retraités et bénévoles du Secours Populaire Français. Moi, depuis que je tourne, on ne s'est jamais fait arrêter par les gendarmes. Il n'y a jamais eu d'accident. On est des gens... Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait combien de temps que ça existe, ça? Le Solidaribus, on va fêter les 10 ans. Ah oui, ça fait 4 ans. Ils vont au-devant des plus pauvres, dans les villages et les campagnes, chez ceux qui ne peuvent même pas parcourir les quelques dizaines de kilomètres qui les séparent d'une grande ville. On va à Bussière-Galland. Bussière-Galland. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne. C'est rural, mais ça l'est quand même un petit peu moins que quand on va dans le nord. Oui. Quand on va dans le nord, les routes sont de la largeur du camion. Oui, oui. Ici, à part Limoges et Saint-Julien, oui. Limoges et sa périphérie, c'est vraiment la campagne, hein, une région très pauvre. Ah ben oui. Ouais. Là où on va, c'est... Ouais. Oui, Mais ils sont, ça y est, ils sont déjà là. Oui, alors tu peux pas te garer devant la mairie. Mais si, regarde, tu vas voir. Le Solidaribus arrive à Bussière-Galland, 1363 habitants. Première étape de la tournée du jour. Il est 10h11, même si je pense que c'était 10h. Je sais pas si c'est, je crois que c'est 10h15. Nous nous garons en face de la mairie, qui depuis 40 ans enregistre une baisse constante de la population. Bonjour, bonjour. Oula, il y a du monde. Alors attendez, je mets le marchepied. De toute façon, on risque de les donner dans notre temps. Donc, Vous pouvez venir. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un croissant? Oui. Ça vous va? Allez, tiens. Voilà, pain, choisissez. Allez, ça, c'est sympa. Oui. Allez. Vous avez tout mis, ma petite dame. Allez, il y a de la purée? Non, merci. Vous la voulez pas? Bon. Non. Vous n'aimez pas les patates? Eh bien, attendez, je vais vous mettre autre chose si vous n'aimez pas la purée. Qu'est-ce que vous voulez? La bolognaise au poulet, c'est plus sympa pour faire avec des pâtes. Hein, ça? Ok? Oui. Bon, j'ai mis de la confiture. Eh bien, tout va bien. Allez, au mois prochain. Merci. Allez, au revoir. Non, mais vous pouvez rentrer. Oui, oui. Voilà. Ça va bien depuis la dernière fois? Oui, ça y est, je remonte. Bon, mais tant mieux. Oui, oui, oh, ben, ça va aller. Hein. Donner un grand coup de pied au fond de la piscine et puis... Ah ben oui, mais bon, c'est un grand coup de poing sur la table. Ah bon, c'est pareil. Bon. Voilà. Je vous fais le reçu derrière. Mmh. Reçu 2 euros, colis. Ah oui, une, deux... Voilà madame. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Combien êtes-vous? 3. C'est-à-dire madame, monsieur? Madame, monsieur et mon fils Geoffrey qui est étudiant à Limoges. Il revient le week-end? Il revient tous les soirs. Tous les soirs. Bien. Café? Café non. Parce que j'en ai mis un en reste encore. Le matin, il faut se lever à 5h du matin. Oh, pourquoi faire? Pour l'amener au car à la gare. Ah. Parce qu'ici, il ne s'arrête pas là. De la gare, il prend le car, il part directement à Limoges. Oui, oui. Et le soir, il revient par le tram. Il étudie quoi? Boucher. Ah, boucher. Ah ben c'est bien, il va avoir du boulot. Ça va en shampoing? Oui. Oui. Bon, j'ai des fraises, vous en voulez? Oui. Des gariguettes. Mmh. Allez, on y va. Allez, après, on va aller. Tout à l'heure, on va aller s'occuper de la volaille. Mmh. Vous avez beaucoup de volailles? Oh, j'ai des poules, des pigeons, une canne, un canard, une oie. Oh là! Il est méchant comme une tête. Ah, c'est un jarre? Un jarre, alors. Ah, ben au moins. Mais il faudra le manger à Noël. Ouais. Faire du foie gras. Ah non, non, c'est vrai. Ça lui apprendra. Je l'ai vu, tout bébé, je l'ai eu. On me l'a offert pour mon anniversaire. Ah! Alors, tiens, c'est un cadeau original. Mm-hmm. Ah, ben c'est comme ça, je suis. Et vous l'avez baptisé, j'espère. Comment vous l'appelez? Saturnin. Ah, ben évidemment. Mais c'est plutôt un nom de canard. Oh, ben je l'ai appelé comme ça, d'un coup. Comme ma poule et mon coq, bon, c'est Laetitia et Johnny. Oh, oh là là, quel honneur! Ah, mais moi aussi, je suis fan de Johnny. À la mort, à la vie. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà. Ben c'est bien. Monsieur a fini? Ah, c'est bon, madame. Je vous voilà, voilà. Vous n'avez pas de problème pour descendre? Non, non. Je vous aide, non, non, ça va. Oh. Vous voulez du pain? Oui. Allez. Au revoir. Au revoir. Bonjour, messieurs. Vous êtes les derniers. Ouais. Et les derniers seront les premiers. Hein. Faut pas les oublier. Tenez votre sac, madame. Ah oui. Alors, café, madame. Comme d'habitude. Deux hein? Personnes. Oui, oui, je sais bien. Café et tout, hein? Café, hein? Oui, s'il vous plaît. Purée? Purée aussi. Ah, moi aussi, hein? Oui. D'accord, ça va. Oui, oui, d'accord. Des fois, on a des pommes de terre, mais là, on a des fraises. J'ai des fraises. Ah, des fraises. Oui. Ah, ah. C'est exceptionnel, hein? Ah, bon. Il ne reste que deux petites barquettes. Eh bien, merci bien. Hein. Merci. Ah, ah oui, je veux bien. Merci, je veux bien, oui. Je veux bien. Vous nous gâtez. Oui. Donc vous êtes monsieur Jésus. Jésus. est-ce que vous avez appelé ma copine Nicole pour votre retraite? Pas encore, ça. J'ai appelé, elle n'était pas disponible. Ah, faut que je la rappelle. Voilà, oui, parce qu'elle s'occupe de plein de choses et puis elle est déléguée. Bonjour. J'avais le souvenir dans la tête, alors je me suis dit la rivière. Et ben non, c'était la rivière. La rivière. Voilà. Bonjour, monsieur. Et du coup, on arrive en retard. Ouais, savez-vous, voilà, si. C'est tout joli chez vous, c'est fleuri dehors, là, c'est bien. Vous voulez un café? Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Vous savez, on est des gens simples. Et puis là, on est un petit peu en deuil aujourd'hui. Ça fait le quatrième qui se suicide, là, ça commence à bien faire. Il y en a jamais. Hier après-midi, qui s'est foutu un coup de fusil dans la tête. Et là, il n'y a pas longtemps, c'est trois paysans qui se sont carrément pendus, pas loin d'ici. Bon, des soucis d'argent, de propriété, de mise en demeure, d'être foutus dehors de leur bien, quoi. Ça va très mal et ça dure. C'est du jamais vu. On n'a que deux transports par jour pour se rendre à Limoges. On n'a même pas de ligne. On n'a rien du tout. Il n'y a que dalle. Il y a un bus le matin et un bus le soir. Et vous pensez que l'isolement peut être si pénible, si difficile, que les gens mettent fin à leur jour? Absolument. Parce que là, on vit vraiment dans un trou. On a même l'impression d'être carrément abandonné même. Ça va faire bientôt 16-17 ans que je suis sur Chalut et que j'arrivais de Bordeaux. J'ai jamais vu autant de commerces fermés. Ils sont tous fermés les uns après les autres. Et ici, on savait pas que c'était la zone. Il y a rien du tout. Il y a absolument rien. Ah, c'est encore pire que quand on habitait à Chalut. Alors il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprise. Ils ont été délocalisés, ils sont ailleurs. Ma femme, elle est aide-ménagère. Mmh. Elle travaillait pour des personnes âgées. Ils ont été transférés dans des maisons de retraite. Et puis, du coup, il y a le service à la personne. Il n'y en a pas ici. On a une vieille voiture qui a 25-26 ans. La Mazda, là, devant la porte. Si celle-là nous lâche, on n'a plus rien pour se déplacer. Et voilà. Et moi, je suis chef de cuisine. Quand je montre mes certificats de travail, tout le monde s'arrache les cheveux parce que je coûte trop cher. Or du coup, maintenant, on est tous les deux sans boulot. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est un CV où il y a tout de marqué. Et 20 puis... ans d'expérience en restauration. Ouais. Gérant du restaurant Le Vergalant, serveur de restaurant Le Terminus, serveur de restaurant Le Relais Fleuri, serveur de restaurant La Taverne du Midi, cuisinier Le Château de Montbrun, cuisinier Le Bristol, cuisinier Le Jour et Nuit, réceptionniste hôtel Aquitania. Vous n'avez pas arrêté? Non, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué. Ça fait combien de temps que vous êtes au chômage? Maintenant, ça va faire 10 ans. 10 ans que je fous rien. Je me débrouille, mais je vous jure que c'est très, très dur. Vous regardez sur Internet des choses? Je n'ai pas les moyens d'avoir Internet. J'ai rien. Avec rien, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. 10 ans de chômage, à essayer de retrouver du boulot, qu'est-ce qu'on ressent, en fait, dans ce moment-là? Qu'on est inutile. Qu'on ne sert à rien. Je m'occupe, heureusement. Vous avez le moral dans les chaussettes hein, quand vous vous réveillez. Et quand on se couche le soir, on se demande ce qui va arriver le lendemain matin. Voilà. Alors, c'est dramatique. Alors, je suis obligé d'avoir un petit cahier et me faire vraiment une petite gestion personnelle. Si je ne fais pas ça, je n'y arrive pas. je suis obligé de vraiment compter presque au centime. Vous voyez ? Voilà. Entre la SS de ma femme et le RSA, voilà ce que l'on a par mois, 809 euros. Il faut faire attention, très attention. J'ai payé mes poubelles aujourd'hui, 66,77 €. Vous voyez, j'ai été voir les impôts et je l'ai payé en trois fois. J'ai payé ça ce matin, ensuite je paye mon nom. Alors l'eau, je me suis arrangé pour pas avoir des grosses factures. J'ai fait comme un échéancier avec eux et je paye 20 euros par mois. Ça m'étouffe la grosse facture en fait. Là, ça c'est les frais financiers de la caisse d'épargne. Ils me prennent 3 euros tous les mois. Après, pour l'assurance maison, l'assurance voiture, je paye 27,56 €. Après, je me suis mis à fruits. Voilà. Téléphone. C'est l'opérateur le moins cher que j'ai pu trouver. J'ai payé pour le mois 2,54 €, ça va. Ensuite, bon, ça c'était des frais de la chaîne de ma tronçonneuse, parce que mes propriétaires ont détruit un bâtiment, ils m'ont donné le bois, il fallait que je me coupe mon bois, parce que je me chauffe au bois que vous avez derrière vous, là. C'est ce qui chauffe toute la maison. Je me chauffe uniquement avec ça. Vous avez froid ou c'est bien ? Non, on caille. Combien vous avez de température ici l'hiver dans la maison ? C'est surprenant. Entre 15 et 16. Voilà. 15 et 16 degrés, pas plus. Dans votre chambre, il fait 16 degrés. Dans le salon il... Ah non, dans la chambre, il fait moins. Il fait 14. C'est juste en dessus, mais il fait 14. On n'est pas trop deux hein, dans le lit. Ça caille. Et puis après, quand je calcule, voilà ce qui me reste. Hein, voilà. Il y a des moments où j'ai honte d'en parler comme ça, parce que c'est dégueulasse d'avoir travaillé et puis finalement se retrouver à 61 ans avec des sommes aussi minables. Si on s'était occupé de moi plus tôt, il y a longtemps que je serais au travail et que j'aurais pas besoin de vous expliquer mes misères de que je suis en train de vivre à l'heure qu'il est. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est grave. On vit une période très grave. Avant, on parlait de millions. Ils parlent en milliards maintenant. Moi, je parle en centimes. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. C'est mon petit jardin, là, juste derrière vous. Là, je vais y passer un coup de motobineuse dès demain, comme c'était prévu. Et je vais pouvoir attaquer mon jardin, comme ça, au moins, j'aurai déjà mes légumes. Mais j'attendais que mon argent soit tombé pour acheter de l'essence. C'est toujours pareil. On revient toujours à l'argent. Dès que l'on parle des campagnes aujourd'hui, on ne les imagine pas comme étant des territoires où il y a de la pauvreté. La pauvreté, on l'imagine aujourd'hui localisée dans les villes. Agnès Roche, sociologue. Or, aujourd'hui, on a des populations dans les campagnes, dans des territoires alors qu'on appelle parfois périurbains, mais aussi dans des zones vraiment rurales, on a des populations qui sont pauvres. On s'imagine très souvent que les pauvres, peut-être se débrouillent mieux à la campagne parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à certaines ressources, par exemple avoir un potager. Donc on pourrait se dire qu'on mange mieux à la campagne. En réalité, on ne mange pas mieux du tout à la campagne. Toutes les personnes pauvres que j'ai rencontrées n'ont pas de potager, loin de là. C'est une minorité. Parce que pour avoir un potager, d'abord, il faut avoir le lieu pour cultiver. Beaucoup de gens habitent dans un bourg et n'ont pas de terrain pour pouvoir avoir un potager. Ensuite, il faut aussi avoir la santé physique pour s'occuper d'un potager. Et donc, parfois, vous avez des gens qui vont à l'épicerie solidaire ou vont dans le supermarché discount dans la grande ville d'à côté et n'ont pas du tout de fruits et de légumes de leur jardin. J'espère que le resto de Dournazac, logiquement, il est ouvert, le resto de Dournazac. On ira chalut, hein. Quand on se promène dans les campagnes, dans certains territoires, que l'on rentre chez les gens, dans leur maison, on prend conscience que la France est peut-être un pays riche, mais surtout est un pays très inégalitaire, où certains vivent dans le luxe, dans la richesse, dans les dépenses ostentatoires, et d'autres ont vraiment très peu de choses, rien même pour certains. Et certains ne se plaignent pas. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'État-providence se retire de tout un tas de dossiers, de sujets, de questions, et de tout un tas, surtout, de territoires. Je pense qu'il y a un sentiment très fort d'abandon et qui va aller croissant, forcément. Hein, avec les nouvelles régions, aujourd'hui, beaucoup d'individus sont encore plus loin qu'avant des centres de décision, du pouvoir et de l'allocation des ressources, en gros. Donc certains territoires sont encore plus loin, encore plus isolés et se sentent encore plus abandonnés. Et le fait que certaines lignes SNCF ferment, le fait que les bureaux de poste ferment, que certaines écoles ferment, cette tendance continue, n'est pas du tout jugulée, c'est quelque chose qui est inquiétant. Donc ça, c'est les inégalités, je dirais, territoriales. Aujourd'hui, on veut mettre l'accent sur les métropoles. Mais le reste n'existe pas. Moi, je passe pas. Oh, ben, pas ici, non. Malheur de malheur. Les joies de la campagne. Ah, ben le oui, fauchage. Ben Hélène était institutrice. Des fois, on a eu des troupeaux. Depuis des années, elle envoyait rituellement son petit chèque à l'autre bout du monde pour aider les plus démunis. Et puis, quand la retraite est arrivée, elle a réalisé que certains de ses voisins avaient faim. Elle n'imaginait pas ça. Elle pensait que c'était d'une autre époque, une telle pauvreté. Didier, lui, était banquier, plutôt urbain. Pour lui, la pauvreté devait être plus supportable à la campagne. Certainement, en tout cas, c'est ce qu'on disait. On a des jardins, des voisins avec qui la solidarité doit être exemplaire. Et ben on va faire un bouchon derrière, c'est rare sur ces routes-là. Oui, on est deux derrière. Alors Didier a voulu aller voir ça de plus près. Nous sommes à Dournazac, deuxième étape de la tournée du Solidaribus. Alors si tu souhaites vraiment qu'on désinfecte, oui. Moi ça ne me gêne pas. Non, mais c'était l'odeur qui était terrible, mais là je vais aller me laver les mains. Hélène et Didier viennent de raccompagner un homme chez lui, et manifestement il ne va pas bien du tout. Là vous avez vu un monsieur avant, c'est ça? Oui. Oui, un monsieur qui n'était pas venu depuis un an parce qu'il a été hospitalisé plusieurs mois. On lui a donné de quoi manger largement, mais on lui a surtout demandé qui s'occupait de lui. Et malheureusement, pas grand monde, à part les infirmières pour lui donner ses médicaments le matin, parce qu'il a eu une tumeur à la tête, il a été opéré, il ne peut pas lever son bras, et les dossiers sont en cours, mais depuis très longtemps. Et en plus, il est handicapé parce qu'il a du mal à se laver, donc il est un peu repoussé par toute la société. Il y a une jolie église, le village est assez pimpant. On ne s'imagine pas un seul instant la misère que vous êtes en train de décrire. Ah non, mais ça c'est sûr. Et moi ça m'a fait comme ça les premières années. Et il faut le voir pour le croire. Et encore, ce monsieur, je trouvais qu'il avait relativement le moral, mais on reçoit des gens qui pleurent. Et quand on imagine ce monsieur au travail qui était dans une pharmacie, c'était quelqu'un qui vivait comme vous. Et moi. Et quand on les revoit 5 ans après, comme ça, à la suite d'un divorce où il a déprimé, pas possible, il est tombé malade, il se lave plus, et maintenant il est repoussé par toute la société, donc il n'a plus rien, il sait plus trop où il en est. Voilà. On va essayer de l'aider. On vient de l'aider en lui donnant deux colis d'urgence et on va essayer de l'aider au niveau de la paperasse parce qu'apparemment, il ne sait même plus où sont les papiers, qui s'occupe de lui, il ne connaissait pas le nom de la tutrice, il l'avait oublié surtout. Donc, pauvreté financière, il m'a dit que la tutrice lui donnait 20 euros par semaine. Pauvreté mentale maintenant qu'il a été opéré, pauvreté sociale parce que personne lui parle sous prétexte qu'il est sale et qu'il sent mauvais. Ben, il cumule tout, quoi, le pauvre homme. C'est désolant, enfin. Moi, ça me désole. Est-ce que vous l'avez connu personnellement, la pauvreté ou la fragilité économique ? Oui, un petit peu. Pas à ce point-là, parce que, j'avais un salaire, mais je me suis retrouvée jeune, 29 ans, divorcée, avec deux bébés de 10 mois et 5 ans et demi. Mon mari n'a pas payé de pension, donc il a fallu que je m'enlève le pain de la bouche pour envoyer mes enfants à l'école. C'était mon principal objectif, je n'avais jamais pris de vacances, sauf maintenant, depuis 2 ou 3 ans, où ça va mieux, où mes filles ont une situation correcte. J'en ai une qui a fait des études de pharmacie, mais qui a bossé tous les week-ends parce que je ne pouvais assumer que le loyer et la nourriture. Donc si elle voulait un petit peu aller au cinéma ou s'acheter quelque chose, il fallait qu'elle travaille. Voilà, et une autre fille qui s'est retrouvée au chômage aussi après un divorce, donc qui est venue habiter chez moi, qui maintenant, ça a remonté la pente, mais j'ai connu ça. J'ai connu la bourse aux vêtements, moi. Et j'ai eu des vêtements qu'avaient déjà portés d'autres gens pour pouvoir assumer les études de mes enfants. Reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sure et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Regardez, tiens, il bouge même plus. Salaud pauvre. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balais. Affreux. Bon. Comment ça s'est passé en fait? Comment c'est arrivé? J'étais mariée, on est parti en vacances au mois d'août, mon mari a pris mon chéquier, on a dépensé tout sur mon compte et après il m'a quittée et j'ai pas pu remonter mon compte. Voilà. Vous habitez ici? Chalut. Chalut? Ouais. Et pourquoi vous venez ici plutôt qu'à Chalut? Parce qu'il y a moins de monde qui nous connaissent, bon. On est moins vus. Des petites communes, ça parle. Et avant ça, vous étiez dans quelle situation? Ah ben ça allait très bien, il avait 2500 euros. Moi j'étais en congé pour ma petite. Je touchais 700, ça allait bien. Et alors le fait que votre ex-mari parte? Déjà j'ai fait une grosse dépression. Hein. Et financièrement j'arrivais plus, je pouvais plus payer mes loyers. Avec 700 euros je pouvais pas. Et comme j'étais à découvert, je m'en sortais plus. Du coup, j'étais obligée de faire un dossier de surendettement. Et je crois que ça a été pire, même. Avant, j'avais quand même mon découvert pour vivre. J'avais 400 euros. Que là, j'ai rien. C'est l'engrenage. Enfin, moi, c'est pareil. Hein. J'ai déposé un dossier de surendettement en août dernier. Parce que moi, c'est un peu la même situation, en fait. Je me suis séparée. Enfin, ça faisait 15 ans que j'étais avec le père de mes enfants. Bon, moi, j'ai 3 filles avec. Et on avait acheté une maison. Ça faisait même pas un an qu'on y était. Et puis, c'est pareil. Oui, ça a été... Donc je me suis retrouvée toute seule avec mes 3 filles. On n'a plus rien, quoi. J'ai à peine 500 euros par la CAF, donc... Moi, je mange on pas. On survit, on va dire. Il y a des jours où je mange pas, ouais, pour moi, mes c'est filles. Pareil. J'ai perdu 15 kilos. J'ai des problèmes de santé en même temps, c'est un peu... Pour moi, on s'en sortira jamais, en fait. Moi, je me bats pour mes filles, hein, sinon... Parce que même là, un dossier d'endettement, il va falloir repayer dans 2 ans. Alors, dans 2 ans, on sera pas... Enfin, je sais pas ce qu'on aura. On sera peut-être sous les ponts. C'est... Quand ça nous tombe vraiment dessus, on dort plus les nuits. Et j'ai eu un problème au cœur il y a un mois parce que... La fatigue, la perte du poids, j'ai fait un début d'infarctus. Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Mes filles ont... Ça les a perturbées. Avec le SAMU qui est venu, ça... la plus grande, ça me l'a perturbée. Et on vous a expliqué pourquoi vous aviez ce problème au cœur? Mais je suis trop stressée, je dors plus les nuits. Je dois un peu des sous partout, trésor public, même les pharmacies, je peux même pas y aller parce que je leur dois, même si c'est que 30 euros, je leur dois des sous et que juste le fait de passer devant, ça me stresse. Parce que je sais que je leur dois de l'argent et je peux plus. Enfin, j'ai honte de moi. Et vous avez une voiture quand même, vous arrivez à circuler? J'ai une voiture avec l'embrayage qui est. J'avance à 40 km/h. Pour ça que je peux pas aller à Limoges, je peux rien faire. Vous pouvez pas aller à Limoges? Ah non. On est à 40 minutes là. Non, c'est trop dangereux, il avance pas. Et je peux pas mettre 800 euros de réparation. Ça fait longtemps que vous l'avez, votre petit tatouage? Oui, ça fait un moment. C'est quand j'étais un petit peu plus riche. J'en avais profité. Parce que là, maintenant, c'est plus possible. Mais tant mieux, parce qu'apparemment, quand t'en fais un, deux, après, si t'en as 50 heures. Moi, ah, il y en a déjà pas mal. Un, oui. Deux, trois. Mais ça, c'est quatre, maladie. Cinq. Plus t'en fais, plus t'en veux. Cinq, j'en veux pas. Ouais, tu vois, c'était mes petits plaisirs. Quand je pouvais. On a commencé à discuter chez une amie et après on s'est rapprochés tous les deux parce qu'on vit la même chose. Ça fait du bien parce qu'on rigole un peu. Voilà, on boit le café. On boit un café. On fait pas trop de sorties. Enfin, on faisait plus de sorties avant parce que. Mais on parle d'autre chose que rester à la maison. Voilà. À réfléchir. Oui. Ouais, c'est ça. Combien vous avez, vous, madame? 150 euros par fille. 150 euros, c'est rien. Par enfant. Et en dehors de ça, vous avez combien? Ben là, j'ai que 130 euros ce mois-ci parce que j'ai plus rien. Je devais avoir le toucher. RSA. Ouais, j'ai rien. Comment ça se fait que vous n'avez pas le RSA? Parce que ça a tout changé, c'est compliqué. Ça a changé le mois dernier et du coup. Donc ça traîne longtemps. Ça traîne et puis voilà. Comme il peut avec un mois en décalé, ouais. Donc du coup. Moi j'ai le RSA, mais ils m'ont baissé aussi, je sais pas pourquoi, parce que ma situation n'a pas du tout changé. Et là, ils m'ont enlevé 155 euros de RSA. J'étais à 335, 330. Et ce mois-ci, j'ai eu que 185. Enfin, voilà. Et quelles possibilités vous avez de travailler l'une et l'autre? Alors moi, j'ai postulé à pas mal d'endroits. Donc, ben, maison de retraite, voilà. Mais moi, le problème, ce qui me handicape, on va dire, c'est les horaires. Et voilà, comme moi. Parce qu'il y a des week-ends, il y a des soirs. En finissant à 21h, moi, je fais quoi de mes trois moi, enfants? J'ai personne. Ma mère, elle est fatiguée de ces maladies qu'elle a eues. J'ai personne. Et je peux pas payer une nuit. Mon maison de retraite où j'avais postulé, les usines aussi, une usine au Carl, l'usine de chaussettes. Pareil, c'était en 2-8 ou en 3-8, moi c'est pas possible, je peux pas. Parce qu'avant j'étais en restauration, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que voilà, dans le secteur il y a moyen de trouver, on va dire assez facilement. Mais c'est pareil, les soirs et les week-ends, je peux pas. Enfin, on peut pas quoi. Qu'est-ce que vous faites la journée? Mon ménage. Pareil ça. Ton. Le boulot d'un homme parce que j'ai personne, j'ai mon bois à faire. Voilà, c'est pareil. Ménage, moi aussi. Ménage, papier, surtout papier. Ménage. J'arrête pas. Voilà. Qu'on a les enfants. On a une maison très propre, il n'y a pas de problème. Mais bon, ouais, non, c'est. Ouais. Bah, les journées sont longues, quoi. On va boire le café l'une chez l'autre. Voilà, sinon, on n'a rien, pas de plaisir, pas de. Enfin, pour ma part. Rien d'exceptionnel. Je sais pas ce que ça va faire. Ouais. À voir. Ouais. C'est bête, mais on parle que de ça en fait. Tous les jours, on s'appelle, on se voit. Ah bah tiens, j'ai reçu cette facture. Ah bah tiens, j'ai reçu. Voilà. C'est bizarre. C'est comment tout le temps en fait. On a que ça. On a que ce discours-là. Parce que c'est tous les jours la même chose. On sait des fois comment il me reste des couches, je lui en donne. Voilà. Les couches, c'est hors de prix. Mais moi, elles sont pas couches, propres encore. Mais moi, elle est toute petite, bien sûr. Enfin, bien sûr, elle a deux ans. Mais là, elle n'est pas propre. Voilà. Et à l'école, comment ça se passe? Très bien. Tant que ça va bien à l'école, et puis elle mange au moins là-bas le midi. C'est ça. Parce qu'il y a toujours à manger. Elle mange au moins un repas. Et puis ça leur fait du bien de me voir pleurer à la maison, c'est pas top non plus, même si je me retiens devant elle, des fois c'est dur. Et qu'est-ce que vous faites avec elle de sympa? Non, moi je l'ai fait participer, même plantonde, elle plante les fleurs. Ouais, mais moi j'ai pas ces envies-là. Elles en savent fait, qu'il faut qu'on rentre le bois, elles m'aident, je les occupe et elles aiment bien. Je joue des fois avec elle, mais je sais pas, j'ai pas l'envie comme j'avais en fait. En ce moment, je suis pas. Je suis pas dans ce truc. Qu'est-ce que vous feriez comme petit plaisir là si vous pouviez? Moi, je vais partir en vacances. Ah non, bon, la coiffeuse déjà pour moi. Oui, après coiffeur, bah, tout ce qui est. Mais après, c'est changer d'air. Oui, partir un week-end à la même mer. Même pas forcément partir 15 jours et très très non, loin, mais. Ouais, voilà. C'est. Mais c'est pas possible. Et vous, c'est le coiffeur? Ouais. Les cheveux orange. Ils sont bien vos cheveux là. Non. Non, après, on aurait, je pense, plein de choses. On aimerait faire plein de choses, je pense. Mais. Pour le moment, c'est pas possible. Donc. On fait avec. L'avenir, peut-être. Oui, non. S'inscrit dans les corps. Elle se voit dans les corps. Elle se voit dans les maisons. Ce n'est pas seulement un revenu au bas d'une page, c'est avant tout la pauvreté. Elle est visible, elle est physique, elle est corporelle. Et ça a quelque chose d'horrible. C'est peut-être le plus horrible de cette question de la pauvreté. C'est son inscription dans l'histoire de la personne et dans son corps. Moi, j'ai rencontré effectivement des gens qui avaient tellement, tellement tardé pour aller chez le médecin. Et pas parce qu'il y a une désertification médicale. C'est pas la question numéro un. La question numéro un, c'est qui va chez le médecin? Est-ce que ce vieil agriculteur en très grande difficulté, très isolé, est-ce qu'il pense à aller chez le médecin? Est-ce qu'il a pris conscience qu'il avait mal à cet endroit de son corps et que c'était depuis longtemps et qu'il avait peut-être une maladie? Est-ce que quelqu'un s'est soucié de lui? Est-ce que quelqu'un veille sur lui? Et bien souvent, c'est non. Et je dois dire que c'est les trajectoires peut-être les plus que j'ai trouvées les plus tristes, mais qui sont le résultat d'un destin social. En août 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron retire 5 euros par mois aux Français les plus précaires. Il retient 5 euros par mois sur les aides sociales qui permettent aux plus pauvres en France de se loger. Le même jour, ou presque, peu importe, il annonce une baisse des impôts pour les personnes les plus riches de France. Il pense que les pauvres sont trop riches, que les riches ne sont pas assez riches. Son gouvernement précise que 5 euros, ce n'est rien. Ils ne savent pas, ils ne prononcent ces phrases criminelles parce qu'ils ne le savent pas. Emmanuel Macron, t'enlève la nourriture de ta bouche. C'est pas faux du tout. Hein. Tout ce qui a été marqué là, c'est tout ce que j'en pense. Tu as tué mon père. Édouard Louis. Les riches, pas les pauvres. On va baisser les impôts pour les riches. Le passage du RMI au RSA, c'est comme là, la prime d'activité, elle va être supprimée, ils l'ont dit. Donc. Alors, en août 2016, sous la présidence de François Hollande, Myriam El Khomri, le ministre du Travail soutenu par le Premier ministre Manuel Valls, fait adopter la loi du travail. Cette loi facilite les licenciements et permet aux entreprises de faire travailler les salariés plusieurs heures de plus par semaine, en plus de ce qu'ils travaillent déjà. Moi, j'ai été femme de ménage. Et c'est vrai que les femmes de ménage, ben, il en faut, hein, mais voilà. Parce qu'on nous disait, il faut travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus, hein, c'est ça qu'il disait. Oui. Ben oui. Donc là, j'ai fait une demande d'MDPH parce que j'ai des problèmes d'épaule. Pour avoir une allocation adulte handicapé. Ouais. Ben oui, parce que je ne peux plus travailler, je ne peux plus me servir de mes épaules. Et le médecin m'a dit, de toute façon, c'est à vie. Et en plus, je suis diabétique. Donc, voilà. Ça fait 6 mois que je suis en arrêt de maladie. Donc, au début, je touchais les indemnités journalières. Là, au bout de 6 mois, ils m'ont tout enlevé parce que je n'ai pas fait assez d'heures. Du coup, ben, je me retrouve avec rien. Là, vous, vous gagnez 0. Ah, je gagne 0. Voilà. Mon mari, il a 746 euros d'invalidité. Et la rente de mon mari est à 285 par mois. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc vous êtes à 3, un peu en dessous de 1000 euros, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et nous avons le droit à rien. C'est compliqué. Du coup, voilà. On en est même malheureux. Moi, je trouve que tout augmente. C'est impressionnant. Vous avez 3 fois rien à votre caddie, vous en avez déjà pour 20 euros. Moi, je prends que du top budget quand j'y vais. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, il y a des trucs que j'aime et que je peux pas me payer. Le beefsteak, je l'aime aussi. On peut pas se le payer. Ah, il y a des trucs qu'on aimerait, mais bon. La dernière fois qu'on a mangé un beefsteak, ça remonte à quand? J'en sais rien. Bon, c'est vrai que nous, au début, on faisait un jardin, donc ça allait. Mon mari ne peut plus faire un jardin, donc... Puis, de toute façon, la propriétaire, elle nous a enlevé le jardin, donc on n'a plus de quoi faire. Le loyer, il est au même niveau, hein. Vous inquiétez pas. Elle a augmenté, mais la PL a su pas. Donc, elle a augmenté de 5 euros, là, en peu de temps, là. Pareil, comme l'augmentation de cigarettes, un paquet de cigarettes, imaginez, moi, j'ai connu un paquet de cigarettes à 4,50 €. Là, vous avez un paquet de cigarettes, en disant, c'est... Le moins cher, c'est 7 euros. 7 euros, vous imaginez, traduisez en francs, c'est, je sais pas loin de 50 balles. C'est, ouais, pour moi, personnellement, c'est le seul plaisir que j'ai. Petite cigarette, à pas manger, tout ça, c'est, voilà. Le gasoil à presque 1,50 €. Sachant que, en début d'année, il était à... Ou l'été dernier même, il était à 1 euro le gasoil. C'est impressionnant comme il a monté. Et puis tout augmente. C'est impressionnant. On limite les déplacements. Là, actuellement, votre voiture, elle est là, on la voit? Oui, elle est là. Elle est là devant. Je ne bouge pas. Il y a de l'essence dedans? Non. Non, non. On évite. Si on le met, c'est 10 euros. C'est... Si je pouvais, j'irais au bord de la mer. J'irais... C'est vrai, mais là... C'est compliqué, on va dire. Des fois, on n'a pas le moral, mais... C'est vrai que des fois, moi, j'ai des tendances à vouloir pleurer, et puis voilà. Et vous êtes... La belle-fille de madame. La belle-fille de madame, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé au poignet? J'ai déjà eu un kyste synovial dont je me suis fait opérer il y a 5 mois. Je travaillais en usine en pâtisserie industrielle, donc j'étais au glaçage des éclairs religieuses. Et du coup, j'ai un deuxième kyste qui est réapparu. Donc ils doivent me l'enlever aussi, celui-là. Sauf que ça ne veut pas être reconnu en maladie professionnelle. Pour eux, ça ne vient pas du boulot. Donc voilà. Donc ça fait 2 fois en 5 mois que je me fais opérer, donc pour eux, c'est normal. Il n'y a rien lié au boulot. Et vous avez quel âge ? 24 ans. Le moindre truc que je fais, j'ai des douleurs. Je peux pas soulever une casserole pleine d'eau. Je suis obligée de prendre mes 2 mains. Les charges lourdes, je peux pas les porter parce que mon poignet ne le supporte pas. Donc c'est assez pénible. Personne veut ce poste parce que c'est dur physiquement. C'est 7 heures debout avec le pistolet, ce qui nous prenait pour des machines. On est comme ça en fait. On tient notre pistolet, on a une main dessus, une main dessous, et on actionne en permanence avec un gros tuyau qui passe sur notre bras. À la fin de la journée, on a le bas du dos, on sent plus. Nos jambes, on les sent plus. On a les jambes en compote. On sent plus nos bras, on sent plus rien. On a juste envie, c'est de rentrer chez soi et de se poser et de plus rien toucher. Alors, quand vous allez retourner au boulot, est-ce qu'ils vont vous changer de poste? Non, parce que je n'y suis plus, justement. Ils m'ont licencié, parce que j'ai pas été travailler. parce que j'avais mal et eux ils le comprenaient pas. Donc du coup après mon opération, je vais rejoindre mon conjoint aux pommes. Je vais faire le ramassage des pommes, je vais aller travailler avec lui. C'est juste le temps que mon poignet se remette tranquillement, que je reforce pas tout de suite dessus, retrouver quelque chose tranquille pour l'instant. Et aujourd'hui, vous touchez combien tous les mois ? Là, comme je me suis fait licencier, que j'ai eu mes jours de congé payés, là, j'ai droit à rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Donc là, je suis zéro, j'ai rien sur mon compte. C'est mon conjoint qui me fait vivre pour l'instant. Combien vous allez gagner en ramassant les pommes ? À peu près 1000, 2003. Un SMIC ? Ouais. D'accord. Après, même si c'est pas ça, s'il faut que je fasse éboueuse, je ferai éboueuse. S'il faut que je travaille à la ville, je travaillerai à la ville. Un boulot, c'est un boulot. Du moment que j'ai quelque chose pour me sortir de la galère et avoir une paye à la fin du mois, je regarderai pas ce que c'est. Je suis pas difficile au niveau de ça, moi. Je regarde pas si mes ongles sont bien, si ceci, si cela. Non. C'est un boulot, c'est un boulot. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Il n'y a pas le choix. Ton dos était broyé, écrasé. On nous a dit que tu ne pourrais plus marcher pendant plusieurs années, plus marcher. Les premières semaines, tu es resté complètement au lit, sans bouger. Tu ne savais plus parler. Tu ne pouvais plus que crier. C'était la douleur. Elle te faisait te réveiller la nuit et crier. Ton corps ne pouvait plus se supporter lui-même. Tous tes mouvements et tes déplacements les plus minuscules réveillaient tes muscles ravagés. Tu prenais conscience de l'existence de ton corps dans la douleur, par elle. Et puis la parole est revenue. Au début, c'était seulement pour demander de la nourriture et à boire. Et avec le temps, tu as recommencé à faire des phrases plus longues, à exprimer des désirs, des envies, des colères. La parole ne remplaçait pas la douleur. Il ne faut pas se tromper là-dessus, il faut dire les choses. La douleur n'a jamais disparu. On n'a pas la même chance d'être en bonne santé selon que l'on est riche ou pauvre. Ça, on le sait depuis bien longtemps. On n'a pas la même espérance de vie selon le milieu social dans lequel on est. Ces différents événements biographiques, et notamment la maladie, ne vont pas avoir les mêmes répercussions selon que l'on est riche ou pauvre. Donc, si vous êtes pauvre, que vous déclenchez une maladie grave ou une maladie chronique, vous n'allez pas être pris en charge de la même manière, vous n'allez pas recourir au même médecin, au même spécialiste, de la même façon, vous n'allez pas être suivi de la même manière selon que vous êtes d'un milieu aisé ou d'un milieu très modeste. Derrière tout ça, il y a aussi un rapport au corps, à la santé, à la manière de prendre soin de soi, qui ce sont des choses qui sont très différentes d'une catégorie sociale à une autre. Et par exemple, autre événement biographique, un divorce. Un divorce, si vous êtes une femme diplômée qui travaille avec un haut niveau de revenus, ce divorce n'aura pas la même conséquence que si vous êtes une femme des classes populaires, ne travaillant pas, ayant un niveau BEP. Donc, les événements qui vous plongent dans la pauvreté, certes, sont importants, mais ces événements n'ont pas la même incidence selon votre appartenance sociale. Chalut, dernière étape de la tournée du Solidaribus, avant le retour à l'entrepôt dans les faubourgs de Limoges. Sur le champ de foire, la plus grande place de cette ville de 1600 habitants, on joue à la pétanque. Il n'y a pas de problème. Vous venez où vous allez où vous voulez. Allez. Dans un coin, une vingtaine de personnes patientent. Ils ont l'air moins insouciants que les joueurs de boules. Bon, qu'est-ce qui veut passer la première? Mettez moi dans le bras. Ah mais faites pas comme vous voulez. Toujours très à l'heure. Allez-y, voilà. Madame. Quel âge elle a cette petite? 7 mois. 7 mois? Regarde, si elle ne l'attrape pas. Alors qu'est-ce que vous venez chercher vous ici en fait? Quoi manger. De quoi manger? Ouais, c'est un peu difficile. Vous cherchez du boulot? Il n'y a rien? Bah c'est pas qu'il n'y a rien, c'est... Si, il y a un peu de boulot, mais c'est compliqué quoi. C'est un peu difficile. Là je suis au chômage, j'ai même pas donné mes papiers en pensant retrouver du boulot vu mes qualifications. Et ce n'est pas le cas. Là ça va faire 3 mois déjà, 3-4 mois. Ce qui veut dire que vous ne touchez pas le chômage? Là je touche pas le chômage, je touche rien. Voilà. Il n'y a que ma femme qui touche le RSA par rapport à la petite. 400 euros pour nous, pour la petite, pour, et c'est très compliqué. Et vu où on habite, le véhicule, si on n'a pas de véhicule, c'est un peu compliqué aussi. Même pour chercher du travail. Même pour chercher du travail, il faut que je laisse ma femme sans véhicule. S'il y a un problème avec la petite, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Si on ne travaille pas, on n'a rien. Et sans argent, on ne fait rien. Voilà. C'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faut vivre au jour le jour. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que se projeter dans l'avenir, on peut pas, on sait pas. C'est compliqué, hein, c'est... Déjà que nous, on est comme ça, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est ça le problème. Il est là le problème. Où c'est qu'on va? C'est qu'on sait pas. Ah, qu'est-ce qu'on pense, toi? Petite coquille. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no clothes, ain't got no scrubs, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer, I ain't got no man. On termine. Donc là, j'ai jeté un peu tous les plastiques, j'ai jeté les restes de salade. Et voilà, ça y est, donc maintenant on est clean. C'est presque vide, hein, Hélène? C'est presque vide. Voilà, il nous reste surtout beaucoup, un peu de lait, quelques produits d'hygiène, mais aussi quelques boîtes de thon. Voilà, c'est tout. On va faire l'inventaire parce que voilà. Nous, on a fini notre journée, mais il y a une autre équipe qui repart jeudi matin. Et avec l'inventaire, et Robert va savoir ce qu'il doit charger par rapport au nombre de bénéficiaires de la prochaine tournée. On y va, c'est reparti pour les Vosges. Merci à Agnès Roche, sociologue à l'Université d'Auvergne, auteure notamment de « Des vies de pauvres, les classes populaires dans le monde rural » aux presses universitaires de Rennes. Merci à Hélène Pasquet et Didier Barthes, bénévoles du Secours populaire français à Limoges. Et merci infiniment aux bénéficiaires anonymes du dispositif Solidaribus. Prise de son, Yves Lehors. Mixage, Lidouine Caron. C'était la série documentaire, coordonnée par Perrine Carvran, accompagnée de Marie-Vonne Abolivier. Pauvres des champs, les oubliés, la face cachée de la ruralité. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douatz, réalisé par Véronique Samouilov. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez rester à Limoges, bibliographie, liens, nous podcaster pour la campagne, nous réécouter au potager, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et aussi sur d'autres plateformes. Et les belles pages, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Demain, troisième étape, la pauvreté des ouvriers. Et toute la semaine, en écho, justement, Entendez-vous l'écho, porte sur le thème de la pauvreté avec Tiphaine de Roquigny, tous les jours à 14h.